Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour le 18e numéro du mag. Cette semaine, au programme, l'actu légère du côté des comics VF, une très petite sélection parmi les sorties de la semaine. Du côté de la VO, ça bouge à peine plus. Par contre, en ce qui concerne la télévision et le cinéma, là, on a pas mal de news. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 18e numéro du mag. Cette semaine avec moi Arnaud, salut, Clément, salut, et Elvire, salut. Allez, les news VF pour commencer, je le disais, un programme très très très léger du côté de la VF, une seule news et une seule sortie dans la sélection. Pour la news, c'est des annonces de sortie de Panini qui nous dit qu'en octobre, nous aurons le dernier tome de la saga du Pays d'Oz, dessiné par Scotty Young. Et puis nous aurons également le deuxième tome de Uber par Kieron Gillen. Je me trompe Elvire, ou le premier tome t'intéressait? Oui, mais j'ai pas eu l'occasion de le lire. D'accord. Moi, j'étais plutôt déçu, donc j'ai hâte d'avoir ton avis. Bah, j'ai moins hâte de l'acheter, vu que j'étais déçu. Bah, c'est pas forcément ce qu'on s'attend. Peut-être que la promesse est tenue après, à partir du deuxième tome. Là, c'est vraiment un truc d'installation. C'est un peu chiant, je dois dire, mais bon. Et puis, pour la sélection VF de la semaine, une seule sortie a retenu notre attention. C'est le Spider-Man Universe numéro 14, qui sort ce mardi, je crois, pour 5,50€, il fait 112 pages et il contient les 5 numéros de la mini-série Edge of Spider-Verse, avec notamment la première apparition de la fameuse Spider-Gwen, dont on nous rabat les oreilles maintenant du côté de chez Marvel depuis des mois et des mois. Donc si vous voulez découvrir ça, c'est dans le Spider-Man Universe numéro 14, c'est donc prélude au Spider-Man numéro 6 qui est sorti il y a 3 semaines, il y a 2 semaines, voilà. Logique. Allez, on va passer à l'actu ciné, et puis, tiens, on va changer un petit peu l'ordre. Arnaud, le synopsis de Batman v Superman est tombé. Alors, c'est rien d'exceptionnel, on avait à peu près deviné avec le premier trailer. Donc, c'est le monde qui doit faire face aux conséquences de Man of Steel, et donc de la découverte de ce super-héros au pouvoir de Dieu. Et donc le super, comme c'est décrit dans le synopsis, le justicier de Gotham City doit affronter le nouveau dieu de Metropolis et découvrir quel genre de super-héros ils ont réellement besoin. Tout en donc pendant que Batman et Superman s'affrontent, une nouvelle menace arrive et qui met le monde en grand danger, qui met toute l'humanité en grand danger. Et donc c'est mais la fin du synopsis est à peu près ce qu'on avait pu entendre concernant les rumeurs, c'est-à-dire Doomsday. Il y a une forte rumeur de Doomsday. Pourrait oui. S'agir de ça. Ouais. Ok. Donc rien de nouveau sous le soleil. Le titre est très transparent et on nous le confirme avec le synopsis. Bon, j'arrive pas à être hypé avec ce film, c'est dingue. Je n'arrive pas à avoir envie de le voir. Peut-être qu'on aura envie de le voir. Avec les deux pour l'amour, mais là c'est vrai, c'est pas, moi je suis pas aussi enthousiasmé qu'avec Man of Steel, quoi. Et puis même la WB là, la Warner, ouais. Ils nous parlent de Suicide Squad tous les jours, oui, alors que leur prochain film c'est pas ça du tout, et ouais. Enfin bon voilà, c'est un peu bizarre. Ils ont moins besoin de le vendre vu qu'il y a déjà Batman, Superman, ça bah... suffit à vendre. Ouais, mais à force de pas le vendre. Oui, mais enfin, on a quand même le temps avant qu'ils fassent la promo. Tu vas déjà voir à la Comic-Con, ils vont mettre le paquet sur les deux films. Ça, et le restant de la fin, et le restant de l'année, ce sera sur Batman et Superman, puisqu'il sort au mois de mars. Ouais. Oui, maintenant ils ont le champ ouvert. Oui. Allez, on va passer à la maison d'en face, puisque pour la Warner, c'est tout ce que nous avions comme news. Le camp d'en face pour apprendre le rétro-pédalage de Brian Michael Bendis. Alors, qui a d'abord, dans un premier temps, dans une convention, la Special Edition New York Convention, je crois que c'est ça, enfin, la Special Edition NYC, qui a dit que, voilà, on verrait Spider-Man dans Civil War. Et puis, je sais pas, il s'est peut-être fait taper sur les doigts, parce que du coup, il a reculé sur Twitter en disant que non, il avait pas dit tout à fait ça, que c'était plutôt peut-être, machin, tout ça. Ouais. Bon. ouais, sûrement que les mecs de Marvel Studios qui m'ont amené, coucou, t'avais pas à dire ça, essaye de Voilà, limiter hein, un peu le tu truc, s'il te démerdes, plaît. tu te démerdes, mais voilà, tu passes Ouais, quitte bon, à passer pour un con, on s'en en fout, même mais. temps, est-ce que ça serait une vraie surprise? Bah non, parce que depuis le début, on sait que sa première apparition, ça sera dans Civil War, donc Ah évidemment oui. qu'il y sera. Enfin, je C'est comprends sûr, même mais pas pourquoi. ils sont en train de le chercher en ce moment, et puis Ah son film, oui. il sort peu après, donc D'ailleurs, quel bordel ce casting. Ouais, tout le monde a annoncé C'est. Azabeth Info Affleck contradictoire. comme le nouveau Superman, Spider-Man, et apparemment il est Il est hors de même pas dans la compétition liste maintenant. des derniers. Donc, ouais. Et puis, est-ce que cette liste est vraie? Enfin, on n'en sait rien du tout. Enfin, c'est On n'en sait vraiment. rien. Le Voilà, fou, là, ça c'est paraît. vraiment tout ce qu'Internet est capable de faire de plus beau en termes de rumeurs. Ah oui, non, là. Si c'est vrai, apparemment, Sony et Marvel sont pas d'accord sur le choix. Ce qui serait pas étonnant. Eh Ça ben, c'est pas grave, serait ils en mettent un en tant que Peter et puis l'autre en Spider-Man, et puis voilà, pas tout le monde est étonnant. content. Ça serait pas. Oh là Ouais. là. Ouais, enfin bon, c'est un peu. Mais du coup, je suis très bête, mais du coup, si le Spidey apparaît dans Civil War, en termes. Enfin, ça va être très bête ma question, mais du coup, est-ce que dans le film, vous savez, les logos du début et tout ça, ce serait juste Marvel Studios, il y aurait aussi. C'est quel autre studio du coup qui est pour Sony. Spidey? Sony? Sony. Ouais, bah ça serait estampillé Marvel Studios puisque Civil C'est un War est truc un très bête, film, hein, c'est un mais film Marvel Studios, donc ça serait pas Marvel Studios. Enfin, il y aurait peut-être un petit ouais. logo Sony Et dans le du coup, générique à la fin, mais ouais, c'est ça. Et ouais, du un coup, petit à la fin, remerciement à Sony, oui, un truc voilà. comme Après, ça. Ouais, personnage, quelque chose comme parce ça. qu'on m'a posé la question parce que. Et après, le Mais sinon, film non, de Sony. c'était ce qui avait été déclaré pour le contrat. À chaque fois que Spidey est utilisé dans un film produit par Marvel Studios, tout l'argent du box-office revient à Marvel Studios et pas à Sony. Et D'accord. pareil, le film Spidey, il revient quasi la totalité du box-office revient à Sony. Ouais, ok. Oui, Voilà, bon. bon. Pour rester du côté de Marvel Studios, dans le genre film qui faisait parler de lui en termes de rumeur casting il y a un an, Doctor Strange. Rappelez-vous la rumeur Patrick Dempsey. Ah bon? Ouais, c'était il y a un an, à peu près. Ah, je me souviens même Et alors, la dernière rumeur en date concernant pas. ce film, c'est que, C'est alors, quoi? je vais essayer de me rapprocher de l'écran. Ah oui, Chiwetel Ejiofor, qui a joué dans 12 Years a Slave, jouerait le Baron Mordon dans Doctor Strange. Bon, voilà. Youpi, rien à faire. Rumeur, là, voilà. Alors, C'est la dernière en date. ouais, Michel Pro. Et pour confirmer ou pour infirmer ces rumeurs, et en tout cas, Clément, il y a un endroit où il faudra pas aller cette année, c'est San Ah. Diego. Ah ouais, là ça va être la douche froide pour les fans de Marvel. Donc Marvel Studios a annoncé qu'ils seront absents de la San Diego Comic Con, donc champ libre à DC Comics et à la Warner, mais surtout champ libre à Lucasfilm. Oui, faut aussi compter sur eux. Il y aura 7 panels, dont un le vendredi 10 juillet avec juste un petit film de rien du tout qu'on n'attend absolument pas. Le prochain Star Wars, donc avec la présence lors de ce panel du réalisateur J.J. Abrams, du scénariste Lauren Kasdan et de la productrice Kathleen Kennedy et des invités. Donc ça va pas être du tout un gros événement, hein. Mais alors pas du tout. Oui, ils vont commencer le week-end du. Voilà. En Ça va tapant être. assez fort. Mais pareil, je. M'en fous. Mais toi, en même temps, t'avais pas aimé la bande-annonce. Ouais, mais autant. Enfin, franchement, j'aime beaucoup ce qu'ils font dans les comics. Là, depuis que Marvel a repris, je trouve ça très très sympa. Mais ça arrive pas à me booster pour le film. T'as pas d'âme, c'est pour Mais ça. même ce film, hein, depuis qu'il a été annoncé, hein, j'ai jamais été vraiment. Ouais. On verra le jour où je serai dans la salle, si je serai comme un gosse, voilà. Enfin, moi, par la bonne annonce, moi, j'étais comme un gosse devant. Il y a des chances que ça se passe comme ça, mais en tout cas, en attendant, voilà, autant mieux, hein, je suis pas impatient comme ça. Ouais, puis, c'est vrai qu'on sait pas tellement de choses pour le moment sur le film. Ça commence au compte-gouttes, mais enfin, ils gèrent très bien leur com, mine de rien. Je pense qu'ils vont. Il y a eu la Star Wars Célébration, il y a eu un buzz quand même. Donc là, je pense qu'ils vont faire plusieurs avec la San Diego. Ouais. Du côté de Marvel Studios, c'est pas parce qu'ils ne seront pas à la SDCC qu'ils ne vont pas parler de tout l'été, puisque n'oublions pas qu'au mois d'août, il y a la D23, donc l'exposition, la convention Disney, où Marvel Studios là va sortir l'artillerie lourde, j'imagine. Notre film coup de cœur de l'année pour le moment, Elvire, c'est Kingsman. On sait qu'il va y avoir une suite, et en plus. Et en plus, il y a Matthew Vaughan, donc c'est celui qui a écrit le premier et qui a réalisé le premier, veut écrire la suite. En tout cas, il est en train, d'après ce qu'il nous dit, d'écrire la suite. Et il a dit, si ça me plaît, je ferai le 2, mais est-ce que ça tient vraiment à lui de la décision? Oh, le film était plus que rentable, succès Oui, il y critique, avait. voilà, il y a peu de raisons que Sony, Il y a peu de enfin, raisons qu'ils reprennent pas, c'était qu'ils Sony, reprennent hein, je me dis, je Netflix. dis pas de bêtises, Fox. Voilà, il y a quand même peu de raisons que Fox, lui fasse pas confiance. Et bah non, ils auraient tort parce que ça a bien fonctionné le premier. Donc. Et d'ailleurs, pour rester sur ce film, on peut voir sur les internets le making-of de la fameuse scène de l'église. Et parce qu'il y en a qui se demandaient si ça avait été tourné en une fois ou pas. Arnaud nous Non. avait dit que non. Là, on apprend qu'ils ont quand même mis 7 jours pour la tourner entièrement. Et ça, c'est intéressant. Oui. J'ai vu ça sur des sites comme Première, tout ça. Et voilà, on voit vraiment comment ils ont réussi à tourner toute la scène. Oui, ça fera partie certainement des bonus qu'on aura sur l'édition Blu-ray DVD qui sort le 8 juillet, je crois, en France. Donc, ouais, il commence un peu à donner des petites. De la matière pour nous inciter à acheter ça. Donc, intéressant. Enfin, en plus, voilà, une des grandes scènes qui aura certainement marqué l'année. Du côté des adaptations de comics, donc c'est toujours bien de savoir comment c'est fait. Voilà pour la partie ciné, on va attaquer la partie des news comics VO, qui est à peine plus dense que la partie VF. Décidément, c'est une très petite semaine. C'est toi qui commences à le lire, sauf si c'est toi qui viens d'être déconnecté, pour nous Non. parler de Heroes Reborn. Alors oui, il y a la série qui va. Bah, on vous avait entendu parler de la série Heroes Reborn qui va revenir sur les écrans, mais il y aura aussi comment dire, une série de 5 épisodes en comics par Titan Comics qui va être publiée avant la série. Et ça sera, d'après ce que nous a dit, ça sera des épisodes bonus. C'est vu comme ça, en fait. Comme vraiment des compléments à la série. Et ça va explorer les origines des nouveaux personnages qu'on va retrouver dans Heroes Reborn. Ok. Voilà. Bon, alors à surveiller pour la fin d'année. Du côté de l'actu VO, autre chose, les ventes du mois de mai sont tombées. Pour vous dire que comme chaque mois, Marvel est au-dessus des 40% de parts de marché, que DC stagne à environ 25%, et que Image Comics est une petite baisse ce mois-ci, 9% en termes de dollars, et puis 10% en termes d'unités Bizarre quand vendues, même. mais ça reste quand même un bon niveau. Voilà. Pourquoi une baisse du côté de Image Comics? Ça s'explique par le top 10. Donc, je détaille juste après. Juste pour vous dire que par rapport à avril, les ventes chutent de 10% pour les comics et de 20% pour tout ce qui est graphique novel et TPB. Comment ça Donc se fait? juste par rapport au mois précédent. Bon, parce que mois de merde, Ouais. parce que Convergence, Ouais, parce c'est que vrai. début des tie-ins de Secret Wars et que personne n'en a rien à foutre. Enfin, voilà. Et Par peut-être les rapport au... comics à 4 $ aussi. Puis aussi par rapport au prix, ouais. Par rapport au mois de mai de l'année dernière, les ventes de comics sont tout de même en hausse de 20%. Et le nombre de TPB étant, alors c'est intéressant, le nombre de TPB est en hausse de 10%. Il y a 10% de TPB de plus qui sont vendus, mais en termes de dollars, ça fait une baisse de moins 0,3%. C'est-à-dire que Ah. les TPB ont tendance à être moins chers, grâce à Image, grâce à des compagnies comme ça qui proposent Ouais. pas mal de TPB peu chers. Du coup, voilà, on vend plus de TPB aussi parce qu'ils sont moins chers, parce qu'en termes de dollars, on voit bien que ça n'évolue pas. Et pour le top 10, évidemment, Secret Wars numéro 1 est en tête des ventes pour le mois de mai. Secret Wars numéro 2 et numéro 3 pour ce mois-ci. De toute façon, c'est quasiment que du Marvel. Hein. En 9e et en 10e position, la Convergence 5 et 6. Et puis on a le numéro 2 qui est venu complètement tout fausser. Merci Lootcrate, encore une fois. En 2e position, on a Bravest Warriors Tales of Hollow John numéro 1 chez Boom Comics. Et c'est pour ça que Image a perdu des parts de marché. Parce que C'est quoi ça? Boom Studio, je veux dire, est passé à presque 4% de vente. Alors que d'habitude, ils sont autour de 1 ou 2%. Et Ah ouais. c'est ça qui explique mécaniquement la baisse d'Image Comics. Donc voilà, Lootcrate avait acheté ça en masse, pas assez pour que le titre soit numéro 1 parce que Secret Wars était plus fort, mais voilà, quand même deuxième vente du mois. À noter que A-Force, le single avec le numéro 1 avec l'équipe 100% féminine de Marvel, se classe sixième sur ce mois-ci. Voilà. Et puis Star Wars toujours très fort en quatrième position. Du côté des TPB et des graphiques nouvelles, la meilleure vente c'est le deuxième tome de Batman Earth One, qui arrive donc en tête des ventes au mois de mai. Et on retrouve, tiens, du Civil War en cinquième position. Et puis les habituels Saga, et puis les titres indés, et puis Normal. un petit Deadpool par-ci par-là, voilà. Donc oui, c'est plutôt normal. Est-ce qu'on sait les ventes pour Defender? Alors, pour Descender of... Oui, en plus, je les avais... Parce que visiblement, c'est enfin, les critiques sont assez très différente. Donc je me Ah demande oui, pourquoi les les... ventes suivent ce titre. Eh bien, je vais te dire ça tout de suite. J'ai le top 100 sous les yeux. Il faut juste que je le trouve dans la liste. Ce petit malin. On a Fight Club 2, numéro 1, qui est 25e. On a Saga 28, qui est 28e. Injection, numéro 1, est 42e. On continue à descendre. Toujours pas de Descender. Witches, Avengers, Miss Marvel est 64e. Descender, numéro 3, est 74e. Mais Ah, pas mal. c'est le numéro 3. Le numéro 3 pourrait être dans un top 100. Voilà. Donc c'est pas mal effectivement. Ça doit faire à peu près 30-40 000 exemplaires. Oui, Donc c'est bien, c'est très bien. On va passer maintenant à la sélection VO. Elvire, tu as retenu quoi parmi ce qui sort demain? alors, j'ai retenu Fiction, le numéro 1. C'est chez Boom Studio. C'est écrit par Kurt Pierce et David Rubin. Et donc, le synopsis, en fait, c'est quatre amis d'enfance qui découvrent une boîte remplie de livres qui permettent de, quand on les lit, comment dire, de se téléporter vers un univers imaginaire qui est décrit dans ces livres, donc dans l'univers des livres. D'accord. Et voilà, ça part de là, et puis il va y avoir de l'action autour de ça, mais ça me fait un peu penser à tout ce qui est Narnia, tout ça, mais Un donc petit ça, c'est côté. pas quelque chose qui révolutionne, mais je l'ai jamais vu en comics. Un petit côté l'histoire sans fin aussi, peut-être. Voilà, oui. Ok, sympa. Donc voilà. Pour ma part, bon, j'ai trois titres, donc je vais faire les trois d'un coup. C'est le mois de la tristesse pour moi, puisque c'est le dernier numéro d'Alex plus Ada, le numéro 15, qui sort demain. La conclusion de cette espèce de petite merveille de Jonathan Luna et Sarah Vaughan. Voilà, 15e numéro, qui s'annonce forcément triste et sans doute tragique. Enfin voilà, la fin du numéro 14 laisse très très peu d'espoir. Donc, on va voir, peut-être un retournement de situation et un happy end, mais bon, voilà, à suivre donc dès demain pour ce dernier numéro de Alex plus Ada. Et puis dernier numéro également pour 8, le numéro 5 sur 5, donc de la mini-série de Dark Horse, mini-série que j'aime beaucoup, sur cette personne qui se retrouve coincée dans un monde qui n'est ni dans le présent ni dans le futur, qui est quelque chose de en dehors du temps. Et ce qui est intéressant dans cette série, c'est que le fond des cases nous indique où est-ce qu'on se trouve. C'est-à-dire si la case est en... Je me rappelle plus exactement. Mais si la case est en vert, ça se passe dans le passé. Si la case est en orange, c'est quelque chose qui se passe dans cet univers un Ah peu ouais. parallèle. Si la case est violette, c'est le présent. En bleu, c'est le futur. Enfin voilà. Et du coup, tout se mélange, mais on n'est jamais perdu parce que rien que par la couleur de fond de la case, on sait où on est. Et j'ai trouvé ça hyper inventif et hyper intéressant. Donc c'est de Raphaël Albuquerque. Et donc le dernier numéro sort demain. Donc le TP devrait arriver pas tard. Et puis demain également, troisième numéro du coup de cœur un petit peu général des internets, on va dire, Infinite Loop, numéro 3, de Pierrick Collinet et Elsa Chartier, chez IDW. Grosse, grosse révélation, gros coup de cœur pour moi que cette série. Voilà, je vous l'ai déjà dit, si vous me suivez sur Twitter, je ne manquerai pas de vous le redire, et notamment certainement dans une émission à la rentrée, puisque ça va sortir chez Glénat Comics. Clément, qu'est-ce que tu retiens, toi, dans la sélection de demain? Moi, je retiens deux numéros. Donc, c'est deux numéros de DC Comics, donc qui lance toute sa vague de nouveaux titres. Donc, on a Justice League of America, donc le premier, avec un titre qui pique un peu quand même. Je sais pas pourquoi. $6. Ouais, ça va C'est être un gros, beaucoup. gros Et numéro, hein. c'est écrit. Ouais, ça doit expliquer ça. Donc, ça va être écrit et dessiné par Brian Hitch. Donc là, comme ça, j'ai aucune idée de ce qu'il a pu bien faire. Oh là là, Brian Hitch. Bon, et Non, à pas part du Age of Ultron, il a commis ce qu'il a commis, mais il était très très bon dessus. Tout ce qui est Ultimate, le lancement des D'accord. Ultimate avec Mark Millar, c'est lui. Ah America's Got Power, enfin, voilà, c'est un immense oui, c'est dessinateur, ça. Brian Hitch. Donc, bah, on verra bien. Moi, je suis pas. Enfin, ouais, on verra bien. Et le titre qui retient mon attention, c'est le numéro 1 de Robin, Son of Batman. Donc, il là va être dessiné par Patrick Gleason et écrit par le même Patrick Gleason. Donc, je l'attends ce titre au tournant parce que clairement, Batman et Robin était le meilleur titre du Batverse. Enfin, est devenu. Wow, ouais, elle a toujours été, je Et pense. enfin, je pense que tu seras d'accord avec moi, Mathieu. Oui. Donc, ouais, ça a été complètement le meilleur titre du Batman, même sur la fin. La fin était très bien. Donc, j'ai de l'espoir pour ce titre parce que déjà, je trouve que le style de Patrick Gleason colle parfaitement à Robin, même si des fois c'était un peu bizarre les dessins. Et bon, comme il a déjà bossé sur le personnage, on peut imaginer qu'il va nous pondre un monstre, même si j'ai vraiment un regret de ne plus avoir Tomasi sur Robin, parce que c'était Ah bah vraiment oui. excellent. Franchement, les gens Dernier qui... titre de la sélection, Arnaud? Oui, c'est pour aller avec la sortie d'un film. C'est Ouais. le premier numéro de Minions, donc le spin-off de Moi, Moche et Méchant. Donc le film sort début juillet, et donc ce premier numéro sort chez Titans Comics. Et donc c'est plusieurs petites histoires avec ces Minions, ces petites créatures jaunes qui aiment les bananes. Donc c'est dessiné par Didier Acoun pardon, c'est écrit par Didier Acoun et dessiné par Renaud Colline. Voilà. Donc, juste quand même pour signaler, Titan Comics, Doctor Who, on l'a annoncé tout à l'heure, Heroes Reborn, Minions, voilà, ils se lancent vraiment dans la grosse licence. Bah, Pour tant ce mieux pour eux, c'est comme ça qu'ils... petit éditeur dont on parlait pas forcément, etc., il y a encore un an ou deux, voilà, là, ils ont quand même de plus en plus de grosses licences. On verra, ce Minions, ça sera sûrement anecdotique, mais voilà, c'est à souligner, parce que, voilà, Ça pour les fans. permet de faire parler d'eux. Voilà, puis pour les fans de l'univers et puis pour les enfants, pour se mettre à la lecture, pourquoi pas. Voilà donc pour la sélection VO de cette semaine. On va terminer par l'actu télé qui est beaucoup plus riche que l'actu comics cette semaine. Et on va commencer avec toi, Clément. J'ai envie de chanter Libéré, délivré, là, vas-y. Ouais, c'est un peu ça. Mais bon, il y en a qui vont être tristes, mais tant pis pour eux. Et bon, non, on sait enfin ce que va devenir Constantine. Rien du Constantine tout. ne va rien devenir. Et c'est tant mieux. Donc aucune chaîne n'a voulu reprendre cette daube. Voilà. Pardon, cette Voilà. série. Enfin, cette Donc chose. repose en paix, Constantine. Ouais. On Allez, n'aura une pas c'est. sacrifié. Oh non, enfin, voilà, c'est bon. On est débarrassé. Et Elvire, allez, un petit trois lettres qui change un titre. Oui, donc nous, on a connu la série de Marvel sous le nom AKA Jessica Jones. Et en fait, donc, on a appris que ce sera tout simplement Jessica Jones. Voilà. Donc Enfin, Marvel's parce qu'il l'a Jessica dit, Jones, oui. hein, parce qu'il y a toujours le petit Marvel, Marvel's avant. devant, comme pour toutes les séries Netflix, Agents of Shield et même et tout ça. Voilà. Mais voilà. Bon, nous on l'appellera Jessica Jones forcément, parce que Marvel's Jessica Jones, Mais moi, Ça je fait quand l'ai même bien, le été un titre à AKA avant. rallonge. Ouais, ça fait un Ça aurait peu. été chiant à écrire. Ouais. Ouais. Tu disais quoi, Elvire, du coup, je t'ai pas entendu. Bah, que j'aimais bien le AKA avant, ça donnait un Bah, peu d'originalité, que juste un ça nom faisait un clin d'œil d'héroïne. à Alias. Et Mais ça fait oui, la série comics ça aurait été trop d'origine. chiant à prononcer à chaque fois. Mais Hey, Marvel. tu regardes AKA Jessica T'as Jones. oublié le Marvel. Ouais, Marvel's Oh aka putain. Jessica Jones. Marvel Il et peut foutre où je pense, le Marvel. Ah ouais. Voilà, bon. Ça n'empêchera pas que la série est toujours prévue pour la fin d'année. Oui. Oui. Ok. Donc ils ont enlevé trois lettres, donc on l'aura 3 mois en avance. On Tu dit ça rêves comme là? ça, d'accord? Allez, Ouais, je veux vendu. bien. Je veux bien 3 mois à l'avance aussi, Alors une merci, série qu'on n'a Marvel. pas envie d'avoir 3 mois en avance, en tout cas Sans moi, blague! en tout cas moi, Arnaud. Bon, là, qu'on a lu, c'est Supergirl. On a appris la date de diffusion. Donc, elle avait été annoncée pour début novembre. Finalement, ce sera en avance, cette fois-ci, pas 3 mois, mais quand même une semaine en avance, donc pour le fin octobre, pour le lundi 26 octobre. Et c'est important à noter, c'est que CBS diffusera le pilote à 20h30 à la suite d'un inédit de The Big Bang Theory, donc grosse audience à prévoir. Et ensuite, la série prendra sa case horaire de 20h à partir de la semaine suivante. Et donc Ils prennent perdra à ça. peu près 70% de son public. Ouais. Ouais, C'est c'est ça. généreux. Ça va être Voilà, drôle. c'est un Espérons. lancement, on va dire, assez finement joué. Bref, allez Arnaud, une autre diffusion a été annoncée cette fois du côté de la France pour cet été qui sera super héroïque du coup sur TF1. Oui, alors c'est pas une bonne idée, mais bon. Non, pas Au du tout. moins TF1 tente quelque chose et ils vont diffuser la saison 2 de Arrow en prime time à partir du 1er juillet, qui est une assez mauvaise idée, je pense. Rien à faire en prime time. Mais encore pire, ils osent diffuser la saison 2 de Arrow avec la première saison de The Flash à 23h30. Voilà. Merci pour les crossovers dans la saison 3. Oh la vache, Donc ça va être les gens qui vont n'importe quoi. regarder The Flash vont se faire spoiler la saison 3 de Arrow. Et ils vont surtout rien comprendre aussi. Puis la plage horaire, quoi. Ils ont pas Oui, envie que ça The fonctionne. Flash qui est la série de prime time. C'est la série Prime Time sur NT1, pas sur TF1. Ça va se foirer, les deux vont se foirer sur TF1. Oh, Aaron, le mercredi dans l'été, NT, elle a pas avec le son temps. ton un petit peu sombre, un petit peu. Ouais. Un mercredi Non, dans soir, je suis l'été, pas t'as sûr. pas envie de faire ça. T'as pas Ah, envie de eh trucs un petit peu ben, sombres. on Pas en repart, on mercredi. en reparlera, mais je suis pas sûr que ça se la Ouais. gueule. Et en plus, il me semble que quand ils ont diffusé la saison 1 de Arrow sur TF1, les audiences n'étaient pas si mauvaises que C'était ça. à 23h aussi. Ouais, mais bon, ça restait Là, quand même. Moi, c'est je sais pas. 21h. C'est pas le même public à 23h et à 21h. Ouais, C'est sûr, mais c'est très moi, blockbuster sur la fin de saison et ouais, tout. je me Oui, souviens sur la d'une fin de époque. saison, faut quand même se taper tout ce qu'il y a avant. Ouais, Oui, c'est mais pas bon, dit que le je me public souviens. de TF1 va rester pour les petites amourettes d'Oliver. Pour voir Ouais, Oliver et Laurel se pas disputer, je suis pas persuadé. sûr qu'il y en aura beaucoup encore à la Tu fin de la sais, saison. ils Chut, suivent celle je de n'ai pas Clem et encore de vu Doc la saison Martin. 2. Hein. Pas Oui, c'est forcément. vrai que c'est plus un public qui est pour les rom-coms hein, Voilà, que... donc bon, on verra, hein, C'est mais plus un public je... jeune, donc sur NT1, ça Plutôt de aurait été la une vie soirée malsaine. parfaite. On fera le bilan des audiences à la rentrée, hein, je prends plutôt des paris Par positifs, contre, quoi. The Flash à cette heure-là, c'est Non, un c'est peu une de la connerie, merde. c'est juste Alors une que connerie. pour moi, The l'été, Flash. je voyais mieux The Flash en prime En time. prime, ça a pu fonctionner, ouais. Ouais, mais bon, dans ce cas, ils auraient, enfin, mettre The Flash avant le diffuser la saison 3, c'est un non-sens total, mais bon. Bah, on parle quand même d'une chaîne qui diffuse les épisodes dans le désordre, hein, donc pas Oui, trop donc chaud. voilà, Oui, malgré donc bon, tout. à la rigueur, plus rien n'est. Bref, allez, on est toujours en état de diffusion, Clément, et pour Agents of Shield, on a Ouais. aussi une date. On a aussi une date, donc à noter hein, sur nos agendas. Ça va être pardon, la saison 3 débutera sur ABC le 29 septembre. Ok, et on enchaîne Elvire avec The Punisher. Et oui, donc on verra donc The Punisher dans la saison 2 de Daredevil. Et ça sera quelqu'un qu'on connaît dans les séries comics, en tout cas. Donc c'est Jon Bernthal qui a été Shane dans The Walking Dead. Bon, il a pas brillé dans cette série, hein, mais on va pas juger un acteur sur un rôle. Non, tu peux Voilà. juger sur plusieurs et il est mauvais. Ah, moi je l'ai vu juste là, donc je peux Il pas. était Voilà. dans Mob City qui a été annulé au bout de 8 épisodes. Ah, mais j'ai jamais vu cette série. Donc... Netflix a également dévoilé le logo de la saison 2 de Daredevil avec, j'allais dire plein de trous de balles dans le mot, mais il y en a un qui va me reprendre. Des Voilà. impacts de balles. Le titre est criblé de balles, donc on reconnaît bien Ah. effectivement la patte du Punisher, ou peut-être une petite diversion pour ne pas nous parler de Bullseye. Ah, peut-être. Voilà, donc en tout cas, ça sent les snipers ou ça sent l'arme à feu quoi cette saison. Clément, on a parlé de la SDCC tout à l'heure du côté du cinéma, mais San Diego, c'est aussi les séries télé et visiblement la Warner va se faire plaisir. Ah oui, là, pas qu'un peu. Donc, ça sera un gros jour le 11 juillet pour DC, qui vont envahir, on peut dire ça, la San Diego Comic Con avec un événement de 3 heures, c'est quand même pas mal du tout, donc autour de Arrow, The Flash, Gotham et le pilote de Supergirl qui n'a pas du tout fuité, hein, bien sûr, et une vidéo de présentation de DC, le Legends of Tomorrow. Donc là, est-ce que ça sera la même vidéo ou ça sera des images inédites à voir? Et ils vont aussi présenter leur web-série animée Vixen avec des apparitions d'Arrow et de Flash. Ouais, bon, évidemment, ils vont diffuser le pilote de Supergirl en entier hein, pendant cet événement, pour ceux qui l'auront pas encore vu. Après Arrow, The Flash, Gotham, on peut imaginer la présence du casting. Et puis pour Legends of Tomorrow, ouais, je parie moi sur une nouvelle vidéo, voire même pourquoi pas un long extrait du pilote. Pas forcément monté, mais voilà, des petits morceaux comme ça, un peu inédits de vraies choses. Pourquoi pas? Et puis bah, la fameuse série animée dont on vous parlera à la rentrée aussi, Vixen. Bon. Donc, le vendredi 10, Star Wars, samedi 11, DC à la télé. Ça fait pas mal quand on a San Diego. Oh. Allez, voilà qui conclut l'émission de cette semaine. On se retrouve jeudi pour sur nos écrans. On se retrouve également samedi pour la Padawan Edition qui sera consacrée à Fairy Quest et à sa série dérivée Fiction Squad. Et puis la semaine prochaine, on se retrouve pour le dernier mag de la saison avant la pause estivale. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes les anciennes émissions évidemment sur comicstories.fr mais aussi sur PodCloud et sur iTunes. Vous pouvez nous contacter par mail redac@comicstories.fr si vous avez des questions ou des propositions de thèmes, notamment pour la Padawan Edition. Et je vous recommande d'aller voter une dernière fois pour les Infinite Wars qui arrivent maintenant très vite puisque le premier épisode, le premier round aura lieu dans nos podcasts le samedi 12 juillet. Donc n'hésitez pas à aller voter pour vos champions préférés. D'ici là, bonne lecture et à bientôt. Salut. Salut.